Vous écoutez CKRL 89.1. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1, Myriam Leland en studio et, COVID oblige, Gentiane La France au bout du fil. Bonsoir, Gentiane. Allô, Myriam. Comment vas-tu? Ça va bien. Un peu triste de ne pas t'avoir avec moi en studio, mais on est quand même heureuse de retrouver notre fidèle metteur en ondes, Jacques, qu'on n'a pas vu depuis le mois de mars dernier. Donc, ce soir à l'émission, Gentiane, tu m'as rendu la vie facile. Tu nous as préparé des très belles entrevues qu'on a déjà sur la console. Avec qui t'es-tu entretenue, Gentiane? D'abord, j'ai fait un entretien avec Anouk Verviers, à l'occasion du lancement de son exposition sur le site web d'À l'Est de vos empires, nos cousines podcasteuses qui se lancent maintenant dans la diffusion web en art visuel. Donc, Anouk, qui a exposé à Regard l'année dernière et qui poursuit ses recherches sur l'esthétique conversationnelle. Donc, on a eu le plaisir de s'entretenir à propos de ce projet qui est très complexe et qui est très porteur de sens. Oui, c'était très intéressant de la recevoir en entrevue. En deuxième partie d'émission, moi, je reçois notre toute première chroniqueuse de la saison, Cassandra Graham, qui va nous parler de la Biennale de sculpture de Trois-Rivières. Puis ensuite, on a une autre entrevue que tu nous as préparée, Gentiane. Avec qui cette fois-ci? Mais je suis allée à la Chambre Blanche. Mais moi, je me promène avec mon enregistreur numérique. Je suis allée à la Chambre Blanche rencontrer Mélissa Pilon qui sort d'une résidence le 7 semaine. Demain, c'est sa présentation de résidence. Et Mélissa Pilon part à la recherche de photographies de foule et elle les rassemble. Donc on a parlé de sa démarche là, qui s'est d'abord concrétisée dans un livre, une maquette, et puis là elle poursuit ses recherches là, de photographies là, qui peuvent venir du 19e siècle jusqu'aux années 2000. Donc c'est très très varié et on peut voir que il y a beaucoup de similitudes et de différences entre différentes foules. C'est très révélateur, mais elle les sort tout le temps du contexte, donc c'est très très intéressant. Ah ben, on entend la passion dans ta voix. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Ben, en fait, je vais pas mentir, je l'ai déjà écouté l'entrevue, mais j'ai hâte de vous présenter ça. Puis Gentiliane, tu nous as également préparé une sélection musicale. On a bien sûr très hâte de retrouver notre fidèle mélomane Simon Roy, mais il est en vacances, bien mérité en ce moment. Alors ce soir, Gentiliane, tu nous présentes la musique électro de la Britannique Kelly Lee Owens. C'est bien ça? Oui, oui, oui, c'est un album qui vient tout juste de sortir. Je la connaissais pas, puis je suis vraiment tombée en amour avec ces beats électro qui sont pas si dansants que ça, un peu plus planants, mais quand même bien soutenus. Et puis c'est sorti le mois dernier, là, donc on écoute ça ce soir, cet album-là qui s'appelle Inner Songs. Oui. Donc, merci, Gentiliane. J'ai déjà hâte de te retrouver la semaine prochaine. On se laisse pour une courte pause audio et ensuite, on t'entend, Gentiliane, en entrevue avec Anouk Verviers. Bonjour, Anouk Verviers. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Je suis contente de te revoir. Oui. On t'avait reçu l'année dernière pour le projet que tu présentais à Regard, le projet au milieu des bureaux empilés. Mm-hmm. Et maintenant, c'est pour un tout nouveau projet qu'on te reçoit ici à l'aérospatial, un projet qui s'appelle l'Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle. Exact. Et d'abord, d'où vient l'idée de ce projet-là? J'ai l'impression qu'il y a comme une continuité un peu avec les recherches que tu avais entamées, mm-hmm. avec au milieu des bureaux empilés, mais comment t'es venue l'idée d'avoir quelque chose de plus institutionnalisé qui se détache de ce projet-là? Mm-hmm, mm-hmm. Ouais, c'est clairement en continuité. Dans le fond, c'est basé sur une technique de dessin des conversations que j'ai commencé à développer quand j'étais dans les écoles, donc pour au milieu des bureaux, par nécessité, je pense, parce que je sortais des conversations avec les jeunes, puis j'avais besoin d'un outil pour savoir vraiment comment ça s'était passé au-delà de juste mes impressions, pour bien comprendre comment je pouvais adapter mes interventions à la rencontre après, qui avait moins parlé, qui avait de la difficulté à s'inclure dans le groupe, etc. Puis c'est venu naturel que la façon pour moi de comprendre ces choses-là, c'était de dessiner. Puis la technique s'est précisée, j'ai rajouté des choses, j'ai réfléchi, etc. Puis j'avais comme un besoin d'affirmer ça comme une forme de connaissance qui est valide, puis pas juste comme une forme de documentation d'expérience ou pas juste comme une forme de faire de façon de créer des œuvres d'art, en fait. Puis c'est une réflexion sur la façon dont on valorise les connaissances puis les codes qu'on a besoin presque comme société pour dire « Ah, ça, c'est une connaissance qui est valide, je vais écouter, ça, c'est une connaissance qui est « Ah, c'est moins rationnel, c'est plus instinctif et tout », puis instinctif, comme automatiquement, on valorise moins ce type de connaissances-là. Fait que c'est un peu un jeu de dire « Ah, ben, je vais créer une institution parce que c'est ça que ça semble prendre pour que les connaissances soient valorisées puis pour que les choses soient entendues. » Donc, pour rendre un peu la démarche plus sérieuse aux yeux des autres. Exact, ouais. Parce que tes yeux, ils sont aux yeux des autres domaines, exact. Ouais, moi, elle a toujours été sérieuse, cette démarche-là, c'est clair. Et c'est une démarche sérieuse, mais en même temps, dans ce projet-là, l'Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui relève un peu de la fiction. Donc il y a quelque chose de sérieux, mais en même temps il y a une espèce de décalage de transition aussi vers quelque chose d'un peu plus fictionnel. Ouais, clairement, je crois que c'est le premier projet dans ma pratique qui est pas basé sur des enjeux directs politiques dans la société avec des gens externes aussi et tout. Puis, mais ça reste pour moi quand même un propos qui est très politique parce que c'est sur nos conversations, la façon dont on interagit, puis comment ça peut être une source de changement social. Mais c'est clair que pour moi, il y a comme une réflexion critique, fait que j'ai un deuxième degré de dire, oui, je réfléchis sur ces codes-là, scientifiques, institutionnels et tout ça, mais je veux pas les adopter non plus à 100%. Je veux les critiquer, je veux les pousser, je veux montrer à quel point ça peut être artificiel et tout ça. Fait que ça devient fictionnel c'est un détournement, en fait. Et donc, un projet fictionnel, mais aussi virtuel. C'est un projet qui est, pour le moment, entièrement diffusé en ligne. Exact. En collaboration avec nos cousines d'à l'Est de vos empires. Donc, une très belle initiative. Et c'est... on entre dans cet espace virtuel... qui est une modélisation 3D d'un bureau de recherche de l'institut en tant que tel. Exact, c'est une modélisation 3D de l'institut avec son hall d'entrée grandiose, sa réception et ses bureaux de recherche. Exact. Et la circulation dans cet espace virtuel là, c'est pas nous qui la faisons. C'est le site web qui nous l'impose. Exact. Et pourquoi t'as fait ce choix-là d'avoir un parcours très très très contrôlé, très dirigé, sans laisser la liberté aux spectateurs, mettons, d'aller se promener? Pour moi, c'était important de distinguer ça des jeux vidéo. Je voulais que ce soit une expérience je cherche toujours dans mes projets, autant en personne quand je suis avec des gens, que en exposition, un équilibre entre le fait de déstabiliser les participants ou le public assez pour un peu briser leur rapport à l'œuvre avec lequel ils arrivent, pour les déstabiliser, pour créer une sorte de sensibilité, un espace disponible, mais en même temps d'avoir aussi un sentiment de confort qui fait qu'ils restent disponibles puis ils sont pas juste dans l'impression de choc et de déstabilisation. Fait que pour moi, d'imposer un parcours, c'est une façon de déstabiliser un peu le spectateur, puis qui tombe dans un état où il ou elle se laisse porter plus face à l'œuvre. Et il y a cette, on continue dans cette expérience virtuelle, donc il y a cette modélisation 3D qui est un peu le centre de l'expérience, mais l'expérience se fait comme si on assistait à un processus, comme si on était devant l'ordinateur d'un chercheur ou d'une chercheuse de l'institution, en l'occurrence Anouk Verviers, et qu'on assiste à différents procédés de fabrication de l'information, de fabrication de l'expérience esthétique. C'est important pour toi d'avoir cette espèce de deuxième niveau de lecture dans, dans l'expérience virtuelle? Oui, c'est important, mais c'est une façon, pour moi, c'est vraiment des recherches que j'ai menées pour vrai. L'Institut, elle est fictive dans sa forme, elle est virtuelle, mais c'est vraiment l'algorithme qui dessine les conversations, je l'ai développé pour vrai. J'ai appris la programmation Python pour ce projet-là. J'ai tout programmé moi-même. J'ai vraiment, pour vrai, si les travaux dont je parle dans la conférence que j'ai fait avec à l'Est aussi, ce sont des travaux que j'ai réalisés pour vrai. Et donc, pendant tout ce travail-là, qui est un travail qui est processuel, qui est plus en arrière-scène, moi, mon paysage, c'était mon ordinateur avec ces fenêtres-là de texte dans lesquelles je venais coder les données que je venais de générer et tout ça. Fait que pour moi, ça s'est fait de façon naturelle de communiquer avec le spectateur à travers ce paysage visuel-là aussi que j'avais devant moi tout le temps que je travaillais. Et dans ce paysage virtuel, on rencontre bien sûr ces diagrammes que tu crées à partir de conversations. Et on rencontre aussi des extraits de conversations, mais ils ne sont pas diffusés donc oralement, mais à l'écrit. Exact. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une façon de rendre ça... quand on parle de conversation, ça devient rapidement narratif. Et selon moi, selon ma perception, rapidement anecdotique aussi. Dans le sens qu'on va s'intéresser à ce qui a été dit, par qui, dans quel contexte. Puis moi, mon intention, c'est vraiment de sortir de ça pour amener le regard sur la forme de l'échange. Puis je pense que si j'avais associé ces textes de fiction-là à des voix, on les aurait vus comme les expériences de quelqu'un d'autre. Alors que quand c'est à l'écrit, on peut plus s'identifier, puis ça prend plus un caractère qui est universel. Intéressant. On va prendre une pause musicale et au retour, on continue cette conversation avec Anouk Verviers. De retour avec Anouk Verviers qui nous parle de son projet l'Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle qui est actuellement diffusé par nos cousines d'à l'Est de vos empires. Et donc ce projet de recherche, Anouk, moi je t'ai vu là, dans le cadre de mon travail, on t'a accueilli l'année dernière pour une résidence, une exposition. Je t'ai vu faire ces dessins qui schématisent un peu des conversations de groupe, donc des dessins circulaires avec des lignes graphiques qui viennent se faire rejoindre différents points selon un système que tu as établi toi-même. Et là dans ce projet web, web de ces dessins. Il y en a des centaines. C'est pas tout toi qui les dessinais. C'est une autre façon de faire, là. Exact, ouais. C'est en fait, c'est des dessins qui sont faits par l'ordinateur directement. Donc, j'ai pris la technique de dessin que j'utilisais, puis j'en ai fait un modèle mathématique pour la communiquer à l'ordinateur, si on veut. Puis l'ordinateur, lui, après ça, prend ce modèle-là, puis dessine toutes les combinaisons possibles. Mais des combinaisons possibles, il y en a des centaines de milliards, en fait, là, je l'ai calculé combien il y en a. Puis ça fait que c'est pas possible de toutes les dessiner, donc j'ai dû travailler sur une façon de faire un échantillon de dessin qui représente aussi toute la variété des compositions possibles visuelles. Donc l'ordinateur en a dessiné 500 pour l'institut, c'est les 500 qu'on voit dans le projet à différents moments. Puis dans le fond, c'est pas des conversations qui ont existé réellement, c'est des conversations qui pourraient exister parce que mathématiquement, c'est des structures qui sont possibles. Et donc on parle de conversations qui n'ont pas existé. Et dans le quand on navigue dans ce projet d'Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle sur le site web, on découvre des extraits de conversations et on parlait de cet espace qui devient un peu fictionnel dans ton projet de recherche. Mm-hmm. Donc ces extraits de conversations là ils n'ont pas existé, en fait. Non, c'est des fictions. Mm-hmm. Que j'ai rédigées à partir des dessins, parce que mon postulat politique, puis ce que je me suis rendu compte à travers mes projets, puis que je porte à travers ma pratique, c'est l'idée que les conversations, leur pouvoir politique, leur pouvoir de changement social, il est pas dans le contenu en tant que tel, mais plutôt dans l'impression que les gens ont quand ils sortent de la conversation. Comment ils ou elles se sont sentis, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'affect et tout, puis c'est ces choses-là, selon moi, qui font qu'on peut être plus sensible à d'autres points de vue, évoluer, aller plus vers des nouvelles façons de vivre ensemble et tout. Fait que je voulais mettre ça en évidence avec des fictions qui sont parfois autobiographiques, parfois pas, qui sont inspirées des structures. Fait que je me disais vraiment, si moi j'avais vécu cette conversation-là qui est représentée, comment je me serais sentie, comment ces gens-là l'ont vécu, etc. Donc on a différents exemples, par exemple de conversations qui vont en profondeur, de conversations mmh. harmonieuses, de conversations où on retrouve de la fiction. Ouais. Et toi, Anouk Verrier, ce qui s'intéresse, c'est l'effet que ça fait de manière affective. Mmh, mmh. Et c'est là qu'on retrouve cette recherche esthétique dans ta pratique. Ouais, pour moi, je fais un pont que j'ai fait quand même tôt dans ma vie entre comment je me sens en sortant de certaines conversations, puis comment je me sens en sortant de certains contacts avec des œuvres d'art. Pour moi, c'est une expérience qui est vraiment très proche. C'est deux expériences qui peuvent changer nos perceptions, qui peuvent bouger la façon dont on voit le monde, autant les conversations que les œuvres d'art. Donc, je me suis dit, si on utilise l'esthétique pour parler des œuvres d'art, alors ce serait vraiment intéressant d'utiliser l'esthétique pour parler des conversations. Et moi, ce que je trouve intéressant ici, c'est que tu mises vraiment sur le après. Donc, ce recul-là, il est nécessaire? Oui, pour moi, oui. Souvent, les extraits commencent par depuis plusieurs jours, en sortant, des choses comme ça. Je pense que l'introspection dans une conversation vient par après. Parce que quand on est dans la conversation, on est dans une forme de représentation, on fait attention à notre ego, à notre subjectivité, puis avec le temps, ces choses-là tombent, puis notre perception de l'échange, puis de nous-mêmes dans l'échange aussi, va changer. Et on peut la rationaliser ou on peut la rempirer dans la tête, au milieu de la nuit, en pleine insomnie. Exact, mais c'est ce qui reste après. Oui. Fait que peut-être ça nous a marqué, puis peut-être ça va changer la façon dont on agit dans le futur. Et est-ce que ça serait la même chose pour l'expérience qu'on vit à partir des œuvres d'art, c'est ta perception aussi? Donc on va au musée, c'est pas tant au musée que ça se passe que lorsqu'on sort du musée et de réfléchir à quelles traces ont laissé les œuvres sur nous? Ouais, pour moi, oui, c'est clair que c'est comme ça que je le vis, ouais. Et donc ce projet, l'Institut pédagogique d'esthétique conversationnelle, Anouk Verrier, c'est on en parlait, c'est un projet de diffusion web, donc c'est une œuvre d'art web. Et en faisant l'expérience de cette œuvre-là, elle est divisée en 4 tableaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la façon dont tu as réfléchi cette division-là en 4 tableaux? Pour moi, c'est une déconstruction. Plus on avance dans les tableaux, plus les images deviennent chaotiques. Oui, exact. Plus ça se décompose, puis à la fin, on finit, on est seul avec une photocopieuse et on comprend plus trop où on est, il n'y a plus d'espace, plus de notion architecturale. Donc, c'est une déconstruction des repères visuels. Je voulais qu'au début, on se sente dans un connu, plus une reproduction de codes qu'on connaît, qu'on reconnaît. Puis que plus ça va, plus ça se déconstruit, mais ça change pas notre sentiment de confort dans l'œuvre parce que plus ça va, plus on comprend comment ça fonctionne aussi. Donc, ce projet-là n'est pas seulement qu'un projet d'art web, il y a aussi une volonté d'aller rassembler une certaine communauté de membres. Exact, oui. et pourquoi et comment? Ben parce que travailler sur les conversations, c'est clair que je veux en discuter. Fait que c'est une volonté de rassembler des gens qui ont cette même conviction-là, que les conversations peuvent amener un changement social, puis que la structure de ces échanges-là est primordiale dans cette démarche-là. Donc, c'est possible de devenir membre de l'Institut. Il y a une cotisation symbolique de 10 $ annuellement. Puis après ça, moi, je vais envoyer une infolettre trimestrielle. Puis dans cette infolettre-là, il va y avoir des travaux de l'Institut, des réflexions, des traces de ce qui se passe, puis des opportunités d'entrer en contact aussi éventuellement. Donc pour être soit cobaye, soit chercheur? Exact, oui. Et j'imagine que tu as aussi l'intention, parce que bon, on parle d'un projet en art visuel, les arts visuels sont rendus un champ très très large de nos jours. Ouais, ouais. Mais j'imagine aussi qu'il y a une intention d'aller peut-être toucher d'autres disciplines pour faire des ponts avec ces disciplines-là? Clairement, oui, clairement. Puis pas des disciplines qu'on s'attend nécessairement. Ça m'intéresse beaucoup de travailler avec des gens qui viennent des mathématiques, des sciences des données, des gens qui viennent de la biologie, autant qu'avec des gens qui viennent des sciences humaines, des sciences sociales, de l'anthropologie, etc. C'est vraiment ouvert. Pour moi, c'est pas une question de discipline, c'est vraiment une question de conviction par rapport aux conversations puis au rôle que ça joue dans nos vies. Mais merci beaucoup, Anouk Verdier, pour merci. Ce bel entretien. CKRL 89.1. Cette année, les bières de la brasserie artisanale La Korrigane t'accompagnent dans tes projets estivaux. En camping, pour un barbecue, autour d'un feu, sur la plage ou lors d'un pique-nique, apporte avec toi des cruchons de tes bières préférées. Chaque jour jusqu'à 23h, une belle sélection de bières est disponible. Informe-toi auprès de ton serveur. Brasserie artisanale La Korrigane, 380 rue Dorchester. La COVID-19 est un virus extrêmement contagieux. Mais on peut freiner sa transmission sans freiner ses envies de voir des gens. Quand on invite son entourage à la maison, au chalet, c'est 10 personnes maximum, c'est 2 mètres de distance entre les gens. Ce sont des verres, des assiettes identifiées. C'est éviter de partager les objets. C'est se laver les mains régulièrement pendant au moins 20 secondes. C'est nettoyer les surfaces communes, puis c'est demeurer vigilant. Le virus est toujours présent. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à la générosité et à la collaboration de nos partenaires majeurs suivants. La Boîte à pain, la Korrigane, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château Laurier. Merci de participer à la relance de la vie culturelle de Québec en écoutant CKRL. Choisir ÉricLamirande.ca, c'est miser sur l'expertise de Éric Lamirande ainsi que sur son équipe de collaborateurs professionnels. On vous offre des services de consultation, accompagnement et formation dans les domaines suivants. Marketing web et réseaux sociaux, commerce électronique, virage numérique et outils technologiques d'affaires. Pour les travailleurs autonomes, les petites entreprises, les organismes et l'économie sociale. Notre but, vous aider à avancer et vous rendre plus autonome. Contactez-nous au 88 454 10 19 ou à ericlamirande.ca. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Opter pour un mode de consommation responsable tout en encourageant l'économie locale, c'est ce que vous propose la brasserie artisanale La Korrigane et les boutiques La Récolte. Pour tout achat de 20 $ et plus dans l'une des deux boutiques La Récolte, vous recevrez un jeton de 2 $ valable pour un cruchon d'un litre de bière à La Korrigane. Et parce que nous aimons bien faire les choses, même nos jetons sont fabriqués de façon éco-responsable à partir de filets de pêche qui auraient autrement fini à la poubelle. La Korrigane, 380 rue Dorchester. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland à la barre de l'émission ce soir. Et au téléphone, j'ai Cassandra Graham, notre première chroniqueuse de la saison. Bonsoir, Cassandra. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. Je sais que tu allais à la Biennale de sculpture de Trois-Rivières aujourd'hui même. Donc, on va avoir un compte-rendu tout frais, tout chaud de ta part. Comment est-ce que tu as trouvé ça, Cassandra? J'ai bien aimé la 9e édition. Il y avait vraiment une belle sélection d'artistes. Puis, dans le fond, cette année, ça se tournait autour de la thématique de croire. Fait que ça portait un peu comme... ça pouvait être large quand même, l'interprétation. Mm-hmm. Puis j'ai trouvé qu'ils ont vraiment comme orienté les expositions vers deux directions, en tout cas selon moi là. Il y avait vraiment comme des expositions à caractère plus politique, puis il y avait aussi un volet qui était plus comme un ludique. OK. Et vraiment là, il y a comme eu ces deux. Ouais, c'est quand même deux tangentes assez importantes justement du filon croire. Est-ce que tu as eu des coups de cœur pendant cette biennale là? Oui, j'avoue que j'ai eu un coup de cœur pour nos précieux VGL. Oui, bien oui, il y avait plusieurs artistes de Québec justement qui étaient présents. Mais il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait VGL, mais les autres étaient, la plupart c'était de Montréal. OK. Il y en avait un petit peu de l'international, mais la majorité c'était de Montréal. D'accord. Puis tu dis avoir eu un coup de cœur pour VGL. Quelles œuvres est-ce qu'ils présentaient? Ils présentaient leur série sur les bâtons de popsicle, en fait. C'est vraiment, je sais pas comment dire ça d'autre, là, mais c'était vraiment comme une présentation d'installation qui tournait autour de sculptures faites en bâtons de popsicle. Finalement, c'était du bronze, mais c'est vraiment à s'y méprendre, là. On avait vraiment des bâtons de popsicle. Donc, c'est du bronze, mais moulé, coulé en bâtons de popsicle. Exactement. Puis est-ce le fini est vraiment, tu sais, c'est comme vraiment une patine, un fini qui émite finalement le bâton popsicle. Des fois, on a des espèces d'indices là, qui nous montrent que finalement, c'est pas des bâtons popsicle, ou justement, un bâton popsicle pourrait pas se tordre de cette manière-là ou se courber de cette manière-là. Mais autrement que ça, il faut vraiment avoir un œil averti là, pour comprendre. Là. Puis, est-ce que c'était des sculptures figuratives ou seulement les assemblages de bâtons de popsicle, hein, entre parenthèses? C'était figuratif. On avait, dans le fond, il était comme un peu divisé en trois sections, je peux dire. Mm-hmm. Le choix des images ou des personnages m'a semblé assez éclectique. Là. Puis effectivement, quand j'ai parlé avec la médiatrice, elle m'a dit que c'était pas mal inspiré d'images de télévision, de culture populaire. Mm. Fait que c'est vraiment puisé dans l'imaginaire, la culture, tout ça. Puis il voulait aussi donner un ton assez estival à l'exposition. Okay. Donc, on a dans l'exposition, on a comme beaucoup de tables à pique-nique, beaucoup d'espèces de qui semblent être comme des stations où les œuvres auraient été finalement bricolées à même la galerie. Puis sais, on dirait qu'il y a des enfants qui sont passés par là puis qui ont mis de la peinture partout puis c'est, ça a été collé avec des avec de la colle chaude là, puis ça a vraiment été fait sur le coup là. Fait que, ouais, ben ça c'est vraiment assez typique de BGL, justement ça, ce côté ludique là. C'est pour avoir vu des gens visiter l'exposition en même temps que moi, les gens se sont vraiment fait prendre au jeu là. T'sais. Ah oui, on peut s'asseoir, on peut bricoler. C'est vraiment le fun à voir aussi. Là. Donc ça, tu disais que c'était l'exposition de BGL. Ça se déroulait dans quelle galerie? C'est à Raymond Lanier, okay. Dans le centre culturel. Oui, le centre d'exposition Raymond Lanier. Oui. Puis dans le fond, la biennale se déroulait dans différents lieux de diffusion, c'est ça? Oui, ben la biennale se déroule toujours à plusieurs endroits. Mm-hmm. Tu sais, on a par exemple la galerie du parc qui est comme une ancienne, une maison comme ancestrale qui a été comme réaménagée en plusieurs galeries. Il y a aussi le centre Raymond Lanier. Il y a le musée Pop aussi qui présentait la famille Plouffe. Oui. Donc eux aussi rentraient selon moi dans la catégorie plus musique de la biennale. Là. OK. Puis tantôt, puis tu parlais aussi du côté plus politique en opposition ou en complément au côté ludique. Oui, un peu en complément. Ouais. Qu'est-ce qu'on retrouvait dans ce volet-là, justement? C'était vraiment, ça se passait plus à la galerie du parc, justement. OK. Tu sais, il y avait vraiment une sélection d'artistes là, qui traitaient plus de d'enjeux politiques, finalement. Puis, on avait notamment l'AXA. Qu'on connaît puis qu'on sait qu'ils font justement des interventions de l'art social puis qui ont des enjeux, des propos très politisés. Il y avait aussi Moridia Kitenjibanza, oui, qui était présentée au rez-de-chaussée, mm-hmm. Qui a finalement qui a eu envie de créer en fait une union comme de rediviser le Canada puis de créer une espèce de pays fictif, puis le rez-de-chaussée était transformé seulement en une espèce d'ambassade de ce pays fictif-là, finalement. C'est intéressant. Puis, c'est vraiment intéressant parce que ça fonctionnait vraiment bien avec l'espace d'exposition. OK. Puis, vu qu'on passe d'une pièce à l'autre, puis que c'est une ancienne maison, bien, on a vraiment cette impression de passer d'un bureau à l'autre. Donc, on a la salle d'attente, puis ensuite, on a les bureaux de l'ambassade, puis après, on a le bureau de l'ambassadrice. Vraiment, il y a comme un... Oui, ça donne un petit sentiment bureaucratique. Oui, puis ça fonctionne. Puis comme la médiatrice m'a parlé, il y a beaucoup de gens encore là qui se sont fait prendre au jeu. Puis qui ne comprenaient pas que c'était pas des vrais bureaux. Les gens entraient, puis ils étaient comme un peu... ils se demandaient s'ils pouvaient rentrer. Puis okay. Oui, ça fait partie de l'exposition. OK. Puis rapidement, Cassandra, ça se déroule jusqu'à quand, cette biennale-là? Ben ça se termine vendredi, donc... Quelques jours encore pour prendre au jeu. Il reste pas longtemps, oui, mais en tout cas, j'invite les auditeurs à aller visiter, là, s'ils ont le temps avant vendredi, parce que ça vaut vraiment la peine. Mais sinon, il y a le catalogue en ligne aussi qui est disponible, puis qui présente les artistes, puis leurs projets, et tout ça, là. Génial. Ben merci beaucoup, Cassandra Graham, pour cette toute première chronique de la saison. On enchaîne tout de suite avec une entrevue de Gentiane Lafrance, qui s'est entretenue avec Mélissa Pilon au sujet de sa résidence à la Chambre Blanche. On se trouve actuellement dans le centre de documentation de la Chambre Blanche et j'ai avec moi Mélissa Pilon. Bonjour Mélissa. Bonjour Gentiane. Et c'est ici que tu poursuis une résidence là, qui a commencé depuis plusieurs semaines déjà ici, mm-hmm. à la Chambre Blanche. Et ça fait environ 5 ans que tu collectionnes les images de foule. Mm-hmm. Alors, j'imagine que c'est ça que tu es venue chercher ici dans le centre de documentation? Mm-hmm. Ben, en fait, c'est ça. J'ai commencé à la fin de ma maîtrise avec une première image qui m'a vraiment interpellée de la foule. Puis c'est ça, c'est vers la fin 2018-2019 que j'ai mis en forme une première maquette de livre ensemble. Puis mon intention en venant ici, c'était vraiment d'agrandir, de poursuivre ma recherche d'image, mm-hmm. Iconographique, mais aussi de l'ouvrir à l'image en mouvement. Ça, c'était une de mes intentions. Bien sûr, je me nourris aussi du centre de documentation ici, de voir les pratiques d'autres artistes par rapport qui travaillent le photojournalisme ou la nouvelle ou la photographie en tant que telle. Mais donc c'est ça. Je suis venue aussi pour écrire un peu, comme approfondir ma recherche, me poser des questions sur c'est quoi la foule, pourquoi je travaille la foule. Des fois on travaille puis on se pose pas nécessairement les questions. Et puis tu te demandes pourquoi tu travailles la foule. Moi je me demande qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette première image là qui a fait que tu as amorcé ce projet pendant ta maîtrise. C'était une image en fait sur une carte postale que j'avais trouvée quand j'étudiais en Hollande à Arnhem à la Verplaat typographie. Puis j'avais trouvé une image qui datait d'une autre époque. On sentait clairement que d'avec les vêtements des gens ou leur posture, que c'était une image d'avant. Puis toutes les gens dans cette foule-là nous regardaient puis faisaient un pouce dans les airs comme pour dire comme « bravo, continue ». Puis ça m'a vraiment interpellée de voir que comme qu'à travers l'image, une autre génération comme dans le sens que ces gens-là, ils savaient pas comment l'image allait évoluer au fil du temps. Que nous, on allait comme poursuivre le travail des images, puis que j'allais plus la retrouver, tu sais. Je sentais comme qu'ils me parlaient à travers l'image. Puis c'est intéressant parce que ce pouce en l'air-là, de nos jours, c'est devenu un symbole convenu et connu par tous qui est associé aux réseaux sociaux. Donc, il y a comme une autre couche d'interprétation qui vient s'ajouter avec notre expérience Ah, c'est vraiment actuelle. Intéressant. Hein. Et donc, tu travailles essentiellement la photographie journalistique. Mais en fait, oui. je collectionne autant des images que je trouve dans des journaux, dans des magazines, dans des livres. Il y a vraiment une notion de la matière imprimée qui m'intéresse, comme c'est des images que je numérise par la suite. Fait qu'il y a une notion de matérialité, de la trame ou des techniques d'impression d'avant qui m'intéresse dans l'image, qui sont des indices aussi temporels, qui nous parlent de l'image. C'est intéressant parce qu'il y a aussi un parallèle qu'on peut faire avec la foule, ces foules où on voit les personnages tout petits et ces techniques d'impression. C'est quelque chose qui fait partie de ta pratique, j'imagine, d'avoir la foule comme une trame aussi. Exactement. Puis c'est drôle, tu sais, par exemple, il y a une image que j'ai trouvée qui est justement sur la couverture de ma maquette de livre. Puis j'ai l'impression de voir comme des éléments de la nature, tu sais, comme ou même une ressemblance avec le pointillisme, tu sais, la peinture ou de. Mais oui, la trame, la trame, je trouve qu'elle est importante, ou même les techniques d'impression. Puis j'ai comme un peu approfondi là-dessus, dans le sens que je trouve ça intéressant que notre histoire repose dans la matière, repose sur l'encre qui est appliquée sur le papier, puis que c'est ça aujourd'hui qui est comme notre histoire dans un certain sens. Parce que, juste pour faire une petite mise en contexte, c'est que l'image, c'est comme une des formes, c'est une preuve de notre existence, tu sais. Si on compare, par exemple, aux autres formes d'enregistrement de l'époque, par exemple la peinture ou le dessin ou quoi que ce soit, il y a une notion du réel qui est dans l'image. C'est-à-dire que bien qu'on puisse manipuler une image, qu'on peut décider du cadre, qu'on peut la recadrer, ou il y a nécessairement quelqu'un dans l'espace à un certain moment qui a comme, avec le processus mécanique de la photographie argentique, qui a capturé ce moment-là. Fait que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a utilisé beaucoup la photographie dans la science ou dans les Oui, la photographie est devenue une preuve à cause de cette espèce de coexistence indéniable du photographe, de la photographe, de l'appareil photo et de la scène qui a été photographiée. Et plus particulièrement aussi dans la photographie journalistique, on parle de faits. Donc, Mélissa Pilon, un des aspects qui est très important dans ta recherche, dans ta pratique, c'est la façon dont la photographie journalistique a le pouvoir, peut changer nos perceptions. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quelle manière ça s'inscrit dans ta pratique? Mais c'est que la photographie est toujours un acte du passé. Dès que tu prends une photo, ça devient un moment du passé. Mais c'est dans l'acte d'observer que ça redevient l'enjeu du présent. C'est dans le sens que la photographie permet de changer nos perceptions du monde. Je vais donner un exemple un peu grossier. Si tu vois une image de Trump avec un bébé dans ses mains, ça peut changer ta perception de la personne. Mm-hmm. Puis c'est ça la force de l'image, c'est ça la force de la photographie, c'est que ça change ton rapport au monde puis que ça te permet de voir les choses autrement. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi la photographie a joué un rôle important dans les luttes sociales. Oui, oui, oui, tout à fait. Et c'est dans cette observation là de l'image, donc si on ne fait que lui jeter un coup d'œil, mm-hmm. ça fonctionne pas. Il faut vraiment se plonger dedans. Puis j'imagine aussi le fait que tu travailles avec l'imprimé, ça a aussi cette importance là parce que quand on consomme des images sur un écran, on n'a pas la même attention portée à l'image. Mm-hmm. C'est certain que l'image en mouvement a un rapport différent au temps mm-hmm. que l'image imprimée. L'image dans un livre aussi, la façon qu'on consomme l'image dans un livre, on a une forme de liberté de regarder ça. Mais c'est un peu l'observation, c'est un peu sur ça que j'ai misé dans mon projet. C'est-à-dire que j'essaie pas de mettre en avant-plan le contexte politique ou social ou historique de l'image. Mais c'est vraiment, je crée des relations, des à travers les textures, les formes, le mouvement des foules, que j'essaie vraiment d'enlever toute notion de contexte pour qu'on se remette à observer encore. Mm-hmm. Je pense que justement, on vit dans un trop plein d'images, puis le fait moi je veux qu'on soit capable d'observer à nouveau. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi observer? Et de faire un changement aussi dans le sens, dans la signification des images. Dans ton livre, tu t'associes des images qui n'ont pas été prises ensemble mm-hmm. Pour leur donner un autre sens. Mm-hmm. Dans les diptyques que je crée, c'est toujours il y a pas de chronologie de temps, il y a pas de c'est ça, c'est ça peut être des contextes complètement différents. Il y en a ça peut être une image d'un avalanche, d'une foule qui vont trouver les disparus dans un avalanche qui est mélangé à le tour du monde de France. Mm-hmm. Mais c'est vraiment comme j'essaie dans ce livre là de créer une même foule, comme un fil, comme une foule qui perdure dans le temps. C'est vraiment c'est ça, je m'intéresse à la représentation de la foule à travers l'histoire de la photographie. Il y a quand même quelque chose de très humaniste dans cette approche là d'essayer d'aller chercher peut-être c'est des grands mots, mais l'essence de l'être humain. Mm-hmm. En allant rassembler des photographies de foule de cette manière-là. Mais je trouve que c'est un sujet, en fait, des raisons pourquoi ça m'intéresse, c'est que ça touche beaucoup de sujets qui ont un lien avec la photographie, qui traite mm-hmm. justement du corps dans l'espace, dans l'image, le regard. Mais merci beaucoup, Mélissa Pilon, pour cet entretien. On se donne rendez-vous jeudi pour ta présentation de résidence qui va avoir lieu ici à la Chambre Blanche. Donc, on peut prendre rendez-vous à 17h ou à 18h pour venir te rencontrer. Merci, au plaisir. Donc, c'était Gentilhomme La France qu'on écoutait s'entretenir avec Mélissa Pilon à propos de sa résidence à la Chambre Blanche. Et c'est déjà ainsi que l'émission se termine pour ce soir. Ça passe tellement vite, une heure, surtout quand on avait si hâte de se retrouver en studio. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec parce qu'on garde un calendrier très à jour. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. J'en profite pour dire un grand merci à Gentilhomme La France qui n'était pas en studio avec moi ce soir, mais qui m'a rendu la vie facile avec ses superbes entrevues et sa sélection musicale. Merci à Mélissa Pilon, Anouk Vervier, ainsi que notre chroniqueuse Cassandra Graham. Un merci tout spécial à notre Michel-Ange de la mise en onde qu'on avait si hâte de retrouver en studio, Jacques Gignac. Merci beaucoup. Puis on se laisse laisse déjà sur la musique de Kelly Lee Owens, toujours tirée de l'album Inner Songs, qu'on a entendu tout le long de l'émission. C'est un album qui est sorti le mois dernier et on se dit déjà à la semaine prochaine. Thank you. Cette émission est disponible en balado-diffusion. CKRL, communication, culture. Envie de retrouver les artistes de Québec en chair et en os? CKRL vous invite à la Promenade des Arts les 29 et 30 août, ainsi que les 12 et 13 septembre 2020. Laissez-vous guider par quatre animateurs de CKRL lors d'une visite dans quatre lieux mystères. Des performances d'artistes de Québec vous surprendront. La seule chose que vous connaîtrez, votre point de rendez-vous et d'arrivée, CKRL au 405 3e Avenue. Réservez votre billet gratuit pour la Promenade des Arts sur ckrl.qc.ca ou lepointdevente.com. C'est le retour du cinéma en salle dans les cinémas Le Clap Sainte-Foy et Loretteville. Voyez dans les succursales des cinémas Le Clap, Tenet dès le 21 août, Les Nouveaux Mutants dès le 28 août, The Personal History of David Copperfield dès le 4 septembre, La Grande Cavale dès le 11 septembre, Nadia Butterfly dès le 18 septembre et De Gaulle dès le 25 septembre. Éclatez-vous avec Le Clap à la maison, avec notre service en livraison ou pour emporter. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma! D'inspiration amérindienne, la boîte à pain vous offre le Bannick, un pain fait de 30% de farine de maïs pure. Un délice au quotidien. Procurez-vous le Bannick à la boîte à pain pour seulement $4.25. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Boiteapain.com. La COVID-19 est un virus extrêmement contagieux. Mais on peut freiner sa transmission sans freiner ses envies de voir des gens. Quand on invite son entourage à la maison, au chalet, c'est 10 personnes maximum, c'est 2 mètres de distance entre les gens. Ce sont des verres, des assiettes identifiées. C'est éviter de partager les objets. C'est se laver les mains régulièrement pendant au moins 20 secondes. C'est nettoyer les surfaces communes. Puis, c'est demeurer vigilant. Le virus est toujours présent. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Le Radioton de CKRL fut une réussite grâce à votre grande générosité et ainsi qu'à la collaboration de nos commanditaires suivants. Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Les éditions Michel Lafon, Molimoilou.com, Le Casse-Croûte Pierrot, La Boîte à pain, Bugel, La Fabrique de Bagel, Les Sushis Nikki, La Boutique Le Pédalier, Seb's Thé et Lounge, Le Chicho Café, Plume, Bouquinerie Nouvelle Chance, Le Lopin de Terre, François Anger Graphiste, SDC 3e Avenue, Le Pied Bleu, François Leduc Avocat, Érico Chocolatier, Équilibre Traiteur et Sanimax, ainsi que tous les partenaires qui nous ont offert des lots d'encan pour notre Radioton.